إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإخوة الإسلام، مع علم من أعلام هذه الأمة وحبر من أحبارها وقاصمة ظهر الخوارج، نختم إن شاء الله هذه الزيارة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يباركها ويجعلها خالصة لوجهه. Donc, frère en Allah, Azzawajal, avec l'un des emblèmes de la science de cette communauté, avec le savant des savants de cette communauté, avec celui qui a cassé le dos au Khawarij, Radwanullahi alayh, nous allons terminer cette rencontre, ces rencontres qu'il y a eu pendant cette visite. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette rencontre, il fasse qu'il soit sincère pour lui, Inch'Allah. فمع صحابي جليل ومن أولئكم الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولنصرة دينه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإن الله عز وجل avec l'un des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام et l'un des grands savants de cette communauté. Il fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux dans Sourate Al-Ahzab, verset 23, et les décroyants des hommes qui ont été véridictes avec le pacte qu'ils ont fait avec Allah Azza wa Jal. Parmi eux, il y a ceux qui sont arrivés à leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrit aussi dans un autre verset ainsi, dit « Louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. » Ces hommes qui ont été élus par Allah, Zawajal, pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam et pour faire triompher cette religion, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. N'aime ces hommes qu'un croyant, ne les déteste qu'un hypocrite et un zindiq. Leur amour est une religion. Leur amour est religion, et foi, et bienfaisance, ihsan. Le fait de les détester, c'est de la mécréance et de l'hypocrisie, et dépasser ses limites. Fama'a Abdullah ibn Mas'ud, ma'a rajulin min ha'ula'i rijal, wa hadha sahabiyu al-karim. Donc avec Abdullah ibn Mas'ud, avec Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, ce noble compagnon, et cet homme qui rentre de ce verset, qui fait partie de ces gens qui ont été véridictes dans le pacte qu'ils ont fait avec Allah, Azza wa Jal, et qui n'ont rien changé. فعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس بن عباس الذي ملك المجد من أطرافه، فقد اجتمع له مجد الصحبة، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجد القرابة فهو ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومجد العلم فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله تعالى، ومجد الجمال فكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا، كامل العقل، زكي النفس، من رجال الكمال. عبد الله بن عباس il s'appelle عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشيت الهاشميت أبو العباس بن عباس. Le père de Abbas est fils de Abbas. L'honneur, il l'a eu dans tous les sens. Il a touché à l'honneur des deux côtés. De tous les côtés, l'honneur le cerne. Il est réuni pour lui l'honneur de la compagnie du prophète alayhi salam. Il fait partie des nobles compagnons du prophète alayhi salam. Il est réuni en lui l'honneur d'être de la famille du prophète alayhi salam. Il est le fils de l'oncle du prophète alayhi salam. Il a l'honneur de la science, c'est l'exégète du Coran par excellence. C'est l'exégète du Coran par excellence. Et c'est l'homme de science par excellence. Et il a l'honneur du fait de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal, car il était un homme qui jeûnait la journée, qui priait les nuits, et qui se repentait à Allah Azza wa Jal avant l'aube, waqt suhur, waqt al-ashar, avant que l'aube ne se lève. Et il pleurait par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et il avait aussi l'honneur d'être beau, car il était beau. Il était grand de taille. Et son aspect lui donnait de l'importance. Il avait une hiba. Quand on le voyait, on était obligé de le respecter. Et il avait l'honneur d'être complet dans sa raison. Et qu'il était pur en lui-même. Il faisait parmi... Il est fait partie par ces hommes qui sont complets. Ulid ibn Abbas radiyallahu anhuma qabla al-hijra bi 3 sanawat. Wa lamma tufiya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana lahu 13 sanatan faqat. Wa ma'a dhalika faqad hafiza lil-muslimin 'an nabiyhim 1660 haditha. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي عن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله. Il est né 3 ans avant l'Hijra, 3 ans avant que le prophète عليه الصلاة والسلام n'émigre de la Mecque vers Médine. Quand le رسول صلى الله عليه وسلم est mort, ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه, il avait tout simplement 13 ans. Et malgré tout ça, il a mémorisé une grande science à la communauté. Et il est une référence de science. Et il fait partie des 4 Abdullah autour duquel tourne le hadith. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala alayhum jami'an. Il a laissé à la communauté dans ce qui est transmis dans les authentiques, 1660 hadiths. Ça, c'est notre modèle. Ça, ce sont les modèles qu'il faut connaître et qu'il faut imiter. Et non pas, comme disent certains, il faut prendre des postes, regarder le modèle, regarder Laurent Fabius, regarder Tartampion, il faut faire le même chemin comme eux pour prendre les postes et pour faire évoluer l'islam en Europe. C'est faux, c'est du pipeau. Tu n'arriveras à rien du tout à l'islam. Si tu ne prends pas la voie de tes puisères, d'Allah alim, tu n'as rien du tout. Ni honneur, ni suprématie, ni reconnaissance. Wallo, tes dents vont être cassées. Et tu seras broyé. Il faut que ça devienne réalité dans notre tête. L'honneur, la suprématie et dont la voix de ce puiseur d'Allah alayhim. L'honneur, la suprématie et tout ce que tu veux, le bienfait dans ce bas monde et dans le-delà, tu ne peux l'avoir qu'en prenant le chemin de cela. Et pour ce faire, il faut les connaître, il faut connaître leur chemin. Et le fait de lire dans leur biographie, et de lire leur vie, ça augmente la foi de la personne. Parce que quand tu vois ce que tu es en train de faire dans ta religion, et que tu vois ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné pour la religion, ben il est évident que tu dois te sentir très petit. Et que ça, ça doit te pousser. Et ça doit faire en sorte que tu ne vas pas être en but de toi malgré ce que tu peux faire. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont donné plus à cette religion. Et qui ont sacrifié tout pour cette religion. Et ça doit te pousser à faire plus. فالكلام عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سيكون عن مناقبه ومواقفه. La discussion autour d'Abd Allah ibn Abbas va se tourner autour de des qualités d'Abd Allah ibn Abbas, de la personnalité d'Abd Allah ibn Abbas et de ses positions dans cette religion. أما مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي كثيرة جدا. Quant à ses qualités, elles sont nombreuses. أولاهما دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام له بالعلم والحكمة والفقه في الدين. La première des qualités, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science de la religion et qu'il lui donne la science et qu'il lui fasse comprendre le livre d'Allah azza wa jal et qu'il lui donne la sagesse. هذا la première des qualités. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه ضمني صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وقال اللهم علمه الكتاب. Regardez cet honneur, regardez cette vertu. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari rahmatullahi ala aimmat al-muslimin, l'a dit, le prophète alayhi sallam m'a serré contre sa poitrine. Allahu akbar. Serré contre la poitrine du prophète alayhi sallam. Il lui a fait ce doigt. Oh Allah, donne-lui la sagesse, donne-lui le hikma. Oh Allah, apprends-lui le livre, donne-lui la science du livre. Il est évident que tout dua du prophète alayhi salatu salam, il est exaucé min Allah azza wa jal. Et quand on sait l'héritage et les positions d'Abdullah ibn Mas'ud, il n'y a aucun doute, d'Abdullah ibn Abbas, il n'y a aucun doute que son dua, que le dua de Muhammad alayhi salatu salam, a été exaucé pour ce grand savant de la communauté. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, dammani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila sadrihi. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذا صحيح أخرجه الحاكم وغيره وهو في مسند الإمام أحمد رحمة الله على أئمة المسلمين جميعا. دونك إلى دي رضي الله تعالى وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم صغي كنت خلوي إلى في السدعة هو الله أبخون لي لا لساجس إلى انتربريتاسيون دي ليفر et l'interprétation du livre. C'est pour ça que nos puiseurs d'Allah, quand ils disent, quand tu as une interprétation qui t'arrive de Mujahid, qui est l'élève de Bouloub, parce qu'il ne cherche pas autre chose. Mujahid, quand il a appris le Coran, et l'interprétation du Coran, il a appris chez Ibn Abbas, il a arrêté Ibn Abbas dans le moindre détail. Ils disent, quand l'interprétation du Coran te vient de Mujahid, ne cherche pas autre chose. Pourquoi? Parce que l'origine, c'est qui? Abdullah Ibn Abbas. L'homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'interprétation du livre parce qu'il a exaucé le dua de son prophète alayhi salatu salam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il a dit alayhi salatu salam, oh Allah, le hadith qui est passé, il est dans Ibn Majah, c'est celui-là qui est dans le Hakim. Ou Allah, donne-lui la compréhension de la religion, verse-le dans la science de la religion et apprends, donne-lui la science de l'interprétation. هذا التوسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. هذا ذو المسند جل الإمام أحمد رحمة الله عليه. ابن عباس دون ذيك الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي ساتتي الويدي يا الله دلوا إلى سجس في الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لأن يزيدني علما وفهما. وهذا أخرجه ابن وهو في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وعند ابن أبي شيبة في مصنفه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ديك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء يقول والله أغمنت لي دون لي plus de science et plus de compréhension. Tout ça, ces qualités-là, ils sont réunis dans Abdullah ibn Abbas. ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنهما. فلقد كان إماما في العلم وعلما من أعلام الأمة المحمدية الذين نشر الله بهم أحكام دين الإسلام من أوامر ونواهي وحلال وحرام. فإذا سألت أحدا من المسلمين صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى من حبر الأمة لقال لك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من ترجمان القرآن لقال لك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى اكزوسي لو دعاء سو ميساج عليه الصلاه والسلام. اون سكي كونسيرن ابن عباس رضي الله عنه. Il était un imam dans la science. Une montagne de science est un imam. Un emblème parmi les emblèmes de la communauté de Mohammed عليه الصلاه والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour propager cette religion et les statuts et les jugements de cette religion. Hein? Ce qui sont les ordres, les interdits, le halal, le haram qui est dans cette religion. Et si tu poses une question à un commun du musulman, petit ou grand, mâle ou femelle, homme ou femme, fille ou garçon, qui c'est Hibr al-Umma, l'homme de science de cette communauté, il n'y a aucun doute. Et ceux qui ont une éducation, une bonne éducation, une éducation basée sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, va te dire c'est Ibn Abbas. Qui est l'exégète du Coran, il va te dire Ibn Abbas. Mais si tu poses une question à celui qui est éduqué sur les films de carton, là, les dessins animés, et Tintin et Miloud, il ne saura pas. Il ne le saura pas du tout. Comment il pourrait le savoir? Alors que sa petite enfance, il l'a passé devant Tintin et Miloud. Tanien, min manaqibi wa lihada, c'est pour ça qu'elle est très importante pour nous. Que nos enfants, on leur apprend qui est Ibn Abbas, qui est Abu Bakr Siddiq, qui est Uthman, qui est Ali, qui est Muawiyah, qui sont les compagnons du prophète, et d'avoir qui parmi nous un jour, après ses enfants devant lui, après un livre d'elle, les compagnons, et a commencé à lire à ses enfants la vie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Comment ils peuvent la savoir? Dehors, c'est les orientalistes, ils vont te ramener des calamités, des croyances, des histoires à dormir debout sur les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et si toi tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Taniyan min manaqibihi radiyallahu anhu kathrat mulazamati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. ومن الأمثلة على ذلك إذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ كان ابن عباس بجواره يعد له ماء وضوئه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا وهو الماء الذي يتوضأ به. فقال صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ فأخبر فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. رواه الإمام البخاري. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة خالته فوضعت له وضوءا من الليل. قالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. كم مرة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرات. La deuxième qualité d'Abdullah ibn Abbas c'est que Il accompagnait beaucoup le prophète alayhi salatu wassalam. Il était en compagnie. Hein? Il cherchait tout le temps la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui accompagnait le prophète alayhi salatu wassalam beaucoup. Et il restait à ses côtés. Cela nous le prouve sous ses regards. Chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam voulait faire le dos, Ibn Abbas était à ses côtés et lui préparait l'eau de le dos. Ibn Abbas dit, radiallahu ta'ala anhu, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré quelque part pour faire ses besoins. Et il dit, je lui ai posé le seau pour faire le dos. L'eau dit à le dos. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a posé, qui a fait ceci? On lui a annoncé que c'était Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a dit, oh Allah, donne-lui la science de la religion. Faqqihu fi din. Et Ibn Abbas de nous dire dans ce qui est rapporté par Ibn Hibban et par l'imam Ahmed et d'autres, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était chez dans la maison de Maymouna, qui est la tante d'Abdullah Ibn Abbas. Il a dit dans la nuit, il lui a posé un seau pour faire l'eau d'eau. Il s'est réveillé la nuit pour ramener un seau d'eau pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Maymouna a dit, ô Rasulullah, a dit, ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, Abdullah ibn Abbas t'a ramené l'eau pour le dos. Il a dit, alayhi salatu wassalam, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation. Et donne-lui la science de l'interprétation. Wa allimhu ta'wil. Regardez combien de voix le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. وإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في جوف الليل كان ابن عباس هناك خلفه يصلي. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se levait des fois pour faire les prières de nuit, à la fin de la nuit, Ibn Abbas était là derrière lui à faire la prière derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et avec le prophète alayhi salatu wassalam. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء أي بجواره فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاتي خنست أي تأخرت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله قال ابن عباس فأعجبته صلى الله عليه وسلم فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما رواه الإمام أحمد وأبو نعيم وغيرهم رحمة الله على أئمة المسلمين ابن عباس de nous dire que الله سبحانه وتعالى l'agré. Je suis venu à la fin de la nuit vers le prophète عليه الصلاة والسلام et j'ai prié derrière lui. Et il m'a pris, il m'a tiré, il m'a mis à côté de lui. Il l'a pris, il l'a mis à côté de lui pour qu'il prie à côté de lui. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la prière, Abdullah ibn Abbas a reculé un peu. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Je te tire pour que tu sois à mes côtés et tu te retires en arrière. Il lui a dit, oh messager d'Allah, azzawajal, est-ce qu'il sied à quelqu'un de te coller à toi dans la prière? Est-ce qu'il sied à quelqu'un de te coller à toi alors que tu es le prophète d'Allah, tu es le messager d'Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Ibn Abbas dit que ces paroles ont plu au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a fait dua, oh Allah, augmente-lui la science et donne-lui la compréhension. عن ابن عباس أنه أتى خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى السقاية فتوضأ ثم قام فصلى قال وقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره قال فأخذ بيدي فأدارني من خلفي حتى قامني عن يمينه الشاهد أن ابن عباس وهو طفل كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. Il dit qu'une fois, il a été chez sa tante Maymouna, qui est la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants et des croyantes. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, à l'autre, il a pris de l'eau, et il a fait son eau d'eau. Il a commencé à prier. Et je me suis réveillé et je suis allé et j'ai cherché l'eau, j'ai fait le dos et j'étais prié derrière lui. Et il m'a pris par la main, il m'a tourné pour me mettre à sa droite, pour prier auprès de lui. Et quand il a commencé à prier, j'ai reculé. Ce que Abdullah ibn Abbas, parce qu'en étant jeune, jeune garçon, il priait derrière le prophète alayhi salam, et il apprenait du prophète alayhi salam. Il nous a ramené des actes du prophète alayhi salam que personne n'a vu. Et lui, il les a vus parce qu'il allait. Il allait chez sa tante. Il aimait bien aller chez sa tante quand c'était la nuit du prophète alayhi salam. Chez sa tante, il y allait. Hein? Mais grande différence entre Abdullah ibn Abbas et nos enfants maintenant qui demandent d'aller passer le week-end chez leur tante ou là chez leur voilà. À deux, ils vont parce qu'il y a, hein, on va pouvoir se lâcher sur la télé, sur la Nintendo. Ils vont se lâcher sur, hein. Alors que Hada, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, il est là pour chercher quoi? Pour regarder ce que fait le prophète, alayhi salatu salam. Et pour apprendre ce que fait le prophète, alayhi salatu salam, en privé pour le faire. Regardez la différence. Regardez nos enfants comment ils sont. Quand ils te demandent d'aller chez quelqu'un, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est. C'est parce que là-bas on est en train de lui apprendre la vie de Mohammed alayhi salatu salam ou la vie du compagnon. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hein? Wa idha azama Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala safar. كان ابن عباس رديفه اي خلفه على الدابه يكون عبد الله بن عباس يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بري على انتونسيون فولي فواياجي عبد الله بن عباس était derrière lui derrière sa monture avec lui رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما اخرج الحاكم والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه يقول في المشكات في تعليقه على سنن الترمذي والمشكات يقول ابن عباس رضي الله عنه ما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي على دابتي يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dans ce qui est rapporté dans Sunan Tirmidhi authentifié par Sheikh Nasr رحمة الله عليه dit un jour j'étais derrière Le prophète alayhi salatu salam sur sa monture. Il a dit, « Oh, jeune homme, oh, jeune garçon, je vais t'apprendre quelques mots. Préserve les droits d'Allah, Azza wa Jal, Allah te préservera. Préserve les droits d'Allah, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras Allah, quand tu demanderas quelque chose à Allah, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Et quand tu demandes quelque chose, ne la demande qu'à Allah. Et quand tu cherches aide, dans ce que ne peut faire personne, ne cherche cette aide qu'auprès d'Allah. Il sache que si toute la communauté se réunit pour t'être utile avec quelque chose, ils ne pourront le faire que si cette chose t'est destinée, min Allah Azza wa Jal. Il sache que si toute la communauté se réunit pour te faire du mal, ils ne pourront t'atteindre avec ce mal que si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a destiné ce mal. Les crayons sont rangés et les feuilles sont sèches. C'est-à-dire tout est écrit. Hein? Regarde maintenant cet apprentissage. Abdullah ibn Abbas, il était jeune. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a inculqué? L'aqida. Hein? L'aqida, les croyances. Comment, hein, s'attacher directement avec Allah Azza wa Jal. Là maintenant, tu demandes aux darons de ramener les enfants pour apprendre leur religion et la aqida. Non, c'est trop beaucoup pour eux. Ils ont assez d'exercices à l'école. Il y a ceci, il y a cela. Et ouais, le dimanche, ouais, il y a la salle de sport, il y a le ceci. Et, subhanallah, quand est-ce qu'il va apprendre sa aqida? Hein? Il ne faut pas trop l'encombrer, c'est trop difficile pour son âge. Subhanallah. وإذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عن يمينه عن ابن عباس رضي الله عنهما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا قال أي ابن عباس ما أوثر على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا رواه الترمذي والحديث حسن الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنت الرسول صلى الله عليه وسلم بيفي دون ان فير يسميتي à droite du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi il se mettait à droite? Tenez qu'on commence par la droite. Ibn Abbas de nous dire dans ce qui est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah que le prophète un jour a bu du verre. Ibn Abbas était à sa droite. Khalid ibn al-Walid était à la gauche. Khalid ibn al-Walid plus âgé qu'Abdullah ibn Abbas. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le tour est à toi. C'est à toi de boire, Abdullah ibn Abbas. Mais si tu veux, tu peux le laisser Khalid ibn al-Walid. Il lui a dit non, je n'ai pas à laisser. C'est-à-dire, je veux boire de la trace du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne la laisse pas à personne. Mais عندك, certains maintenant, il voit son cheikh de Sariqa, il a bu ça, il vient, il mange le verre. Par amour pour avoir la bénédiction du cheikh. عندك, c'est particulier au prophète, alayhi salatu wassalam, laisse tomber. Il est un de nos frères qui était 4 mois au service du Mashaykh d'Inde quand Inam al-Hassan était encore vivant. Et il était à son service. Le frère là, subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé d'un grand bienfait. C'est que maintenant, il est à Médine, à côté de Cheikh Ubayd et d'autres Mashaykh. Mais, regarde. Là, il y a Cheikh Inam al-Hassan comme ça, allongé, en train de faire son dik. Et chaque fois qu'il a envie de cracher, quand on lui ramène une bouteille, il crache dedans, il souffle dedans. Quand on ramène un malade ou quoi que ce soit, on leur met de l'eau et leur donne. A'oudou billah. Le baraka. Quel baraka? Tout le microbe de Stampola. Il te dit le baraka. Quel baraka? A'oudou billah. Subhanallah. Quelle preuve tu as? Allahu akbar. A'oudou billah. Allah al-musta'an. Quand on n'a pas de cerveau, quand on suit une éducation qui te dit, hein? الله المستعان سلم ولا تعترض فتنطرد وانت تسوي une éducation de Sophie qui te dit soumis-toi et ne t'oppose pas sinon tu vas être jeté dehors. Ben, c'est comme ça que ça arrive. À la fin on te crache dessus, tu dis rien. Tu as sur une vidéo un des chiens de la Torok là-bas en Afrique du Nord, je dirais pas le pays Chouma. Sinon, vous allez avoir honte. Il rentre dans l'assemblée. Il fait comme ça, debout arrivé, avec un coulis énorme autour du cou. Il y a un ventre. Oh. Il fait un grand crachat. Tous ses sangs sont jetés dessus pour s'essuyer le visage. A'oudou billah. C'est qui? Tu vois la débilité où ça amène? Le fait de donner son cœur et d'écouter n'importe qui, où est-ce que ça t'amène? Qu'on te crache dessus et que tu dises amen, merci, vas-y. Talitan, wa min manaqibihi sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala wa arda, taqdim Umar ibn al-Khattab lahu wa tana'uhu alayhi. Fait partie de ses qualités aussi, c'est que Omar ibn al-Khattab le mettait en avant. Quand Omar ibn al-Khattab était khalif, il le mettait en avant, alors qu'il avait les vieux de Badr, les vieux compagnons de Badr étaient là. Et il le mettait en avant, et il prenait son opinion sur les sujets, etc. Et il faisait des éloges d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Yaqul ibn Abbas, radiallahu anhu, ma kana Omar yudkhiluni ma'a shiakhi Badrin, fa kana ba'dahum wajada fi nafsihi shay'a. فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أي ما ظننت أنه دعاني يومئذ لا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكداك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب avait l'habitude de prendre dans les assemblées où il y avait que les vieux de Badr, les vieux compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام qui étaient là. Et comme si certains avaient trouvé quelque chose dans leur cœur, ils se disent mais pourquoi tu ramènes ce petit avec nous, ce jeune avec nous, alors que nous avons les mêmes enfants, des enfants de son âge, des jeunes de son âge. Omar leur a dit, vous savez d'où il est. C'est-à-dire, vous savez que c'est le neveu du prophète, alayhi salam, etc. Et un jour, il a appelé les vieux de Badr, redouanullahi alayhim, et il a appelé Abdullah ibn Abbas, il a dit, ce jour-là, j'ai su qu'il m'a fait rentrer pour quelque chose, pour leur montrer quelque chose. Il a dit, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, il leur a dit, qu'est-ce que vous dites sur la parole d'Allah Azza wa Jal quand le triomphe d'Allah Azza wa Jal, la conquête arrive? Qu'est-ce que vous dites? Certains ont dit, il nous a été ordonné de faire des louanges à Allah Azza wa Jal et demander le pardon à Allah Azza wa Jal quand il nous fait triompher, il nous fait la conquête, mais la conquête de la Mecque. Certains parmi eux se sont tus. Ils n'ont rien dit. Il s'est tourné vers Abdullah ibn Abbas et lui a dit, Abdullah ibn Abbas, c'est ce que tu dis? Il a dit, non, je ne dis pas la même chose qu'eux. Je ne dis pas la même chose qu'eux. Mais ça, c'est la mort du prophète, alayhi salam, qui approche. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a annoncé, Ida ja'a nasrullah, contre le triomphe d'Allah, azza wa jal, ila l'enquête arrive, ça, c'est le signe comme quoi ton temps va se terminer. Glorifie Allah Azza wa Jal, fais les louanges à Allah Azza wa Jal, demande-lui pardon parce qu'il est celui qui pardonne. Et Omar ibn Khattab a dit à Abdullah ibn Abbas, c'est ce que je sais, ce que tu dis, c'est ce que je sais. Il était d'accord avec lui sur cette compréhension. Voilà pourquoi. Voilà, on l'appelait Fat al-Kuhul, le jeune de la compagnie des vieux. Fat al-Kuhul. De l'isan et sa'oul, ou al-qalb et l'aqoul. Le jeune de la compagnie des grands, qui avait une langue pour poser des questions et de poser les questions qu'il faut, et il avait un cœur qui était doué de raison. C'est ainsi qu'il disait. Quand on lui a dit, comment tu as eu cette science? Il a dit, l'isan et sa'oul, ou al-qalb et l'aqoul. Une langue qui pose des questions, et un cœur qui est doué de raison. Ainsi je l'ai obtenu cette science. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Donc Abdullah ibn Omar dit que Omar ibn Khattab appelle ibn Abbas, il le rapproche de lui, il lui dit j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام, il suit ta tête et dire Allah subhanahu wa ta'ala te donne la science et qu'il te fasse comprendre la religion et la science de l'interprétation. Et Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala il dit de Ibn Abbas, لقد علمت علما ما علمناه. لقد علمت علما ما علمناه. Abdullah, Omar ibn Khattab il dit, Abdullah ibn Abbas, tu as eu une science que nous n'avons pas. Tu as su une science que nous n'avons pas. Qui le dit? et tu entends certains khawarij là-bas dans la ville de Bologne, hein, disent Abdullah ibn Abbas c'est un petit compagnon. Pourquoi il dit que c'est un petit compagnon? C'est-à-dire, ne prenez pas de Abdullah ibn Abbas parce que c'est un petit, prenez des grands. Pourquoi Abdullah ibn Abbas? Parce que c'est le bâton qui leur a cassé le dos, al-Khawarij. Et parce que l'interprétation du وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ils ne veulent pas accepter cette interprétation d'Abdullah ibn Abbas. Voilà pourquoi. Et Abdullah et Omar ibn Khattab, il dit d'Ibn Abbas, tu as une science que nous n'avons pas. وقال يوما لا يلومني احد على حب ابن عباس. Un jour Abdullah ibn Omar ibn Khattab il aura dit que quelqu'un ne me reproche pas l'amour que j'ai pour Abdullah ibn Abbas. هذا كي عمر بن الخطاب فاروق هذه الامه. ويقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه ما رايت احدا احضر أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول عندك قد جاءتك معضلة ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. وهذا ذكره الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء. Saad ibn Waqqas radiyallahu anhu dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui est doué de compréhension comme Abdullah ibn Abbas, mais quelqu'un qui a une raison qui est très claire, qui est très forte comme Abdullah ibn Abbas. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a plus de science que lui, et quelqu'un qui est plus sage que lui, et plus raisonné que lui, et quelqu'un qui ne se presse pas. Que des qualités. Et il a dit, j'ai vu Omar ibn Khattab le rapprocher de lui au moment où des catastrophes, des situations difficiles se présentent à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, alors qu'il était le prince des croyants, radiyallahu ta'ala anhu. Et il lui dit, il y a un gros sujet, il y a un gros problème. Il compte, Abdullah ibn Abbas, il met un verdict, il ne le dépasse pas, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Alors que tour de Abdullah ibn Omar, il y a les grands de Badr parmi les Muhajirin et les Ansar. Donc tu te rends compte que ces Khawarij qui refutent la parole et les interprétations d'Abdullah ibn Abbas et qui te disent ça, c'est un petit compagnon, ils sont insensés, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien compris. Il ne lui arrive pas à la poussière qui tombe de ses pieds. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand Allah subhanahu wa ta'ala aveugle les cœurs, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, ce sont les cœurs sur lesquels il y a des voiles. Wa yaqulu Talha ibn Ubaydillah, laqad u'tiya ibn Abbas fahman wa laqnan wa ilman ma kuntu ara Umar ibn al-Khattab yuqaddimu alayhi ahad. Sir a'lam النبلاء عند الإمام الذهبي والطبقات لابن سعد. طلحة بن عبيد الله de nous dire ابن عباس lui a été donné une compréhension énorme, une science, il a eu une science énorme. Et je ne voyais pas Omar ibn Khattab radiallahu anhu mettre quelqu'un en avant devant la parole, mettre une parole devant la parole d'Abdullah ibn Abbas, ou la mettre quelqu'un en avant devant Abdullah ibn Abbas. رابعا ومن مناقبه رضي الله عنه ثناء الصحابة والتابعين عليه. Quatrièmement, fait partie de ses qualités, les éloges qu'ont fait les compagnons de ce compagnon, de cet homme de science par excellence, de ce bâton qui a cassé le dos des Khawarij, les anciens et les nouveaux, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Les éloges qu'ont fait les compagnons du prophète et leurs successeurs. Les compagnons et leurs successeurs, ce sont la meilleure génération de l'islam. Et ceux qui sont concernés par les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération et ceux qui les suivent. Hein? C'est pas Tartampion de l'Khassira ou la d'Antenne 2 Oula du monde, Hadalla, la meilleure des générations de l'humanité. Ceux qui ont reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal, écoute ce qu'ils disent de ce compagnon. Avant de dire n'importe quoi sur Abdullah ibn Abbas et sur n'importe quel compagnon du prophète, leur amour, le fait de les aimer, fait partie de notre religion. Et c'est une foi, et c'est une perfection. Et le fait de les détester, c'est une mécréance, c'est une hypocrisie. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس نعمة ترجمان القرآن ابن عباس عبد الله بن مسعود نجي بني le traducteur l'interprétateur du Coran عبد الله بن عباس son interprétation est excellente, ce qui veut dire l'interprétation d'Abd الله بن عباس était au somme. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ابن عباس اعلم الناس بما انزل الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم عبد الله بن عمر عندي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما est celui qui parmi les gens qui connu le plus qui a été descendu sur محمد عليه الصلاه والسلام وقال محمد بن علي يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الامه اليوم مات رباني هذه الأمة. محمد بن علي dit le jour de la mort de Abdullah ibn Abbas, il a dit aujourd'hui est mort l'éducateur de cette communauté. رباني, celui qui apprend aux gens le biaba de la science, qui commence par les bases, qui les amène. وقال مجاهد وهو تلميذ ابن عباس واخذ عنه التفسير كان ابن عباس سما البحر لكثره علمه dit que ibn Abbas Mujahid nous dit que ibn Abbas c'était comme l'océan comme la mer pourquoi parce qu'il avait beaucoup de science tout ceci tu le retrouves dans Siyar Alam Nubala dans Tahdib dans le Bidaya ou Nihaya et encore une fois le Bidaya ou Nihaya et tout cela on revient toujours à ce qu'on a dit pendant ce week-end il faut que tu t'acharnes à apprendre la langue arabe pour pouvoir aller et goûter à tous ces textes et que on vient pas te t'injecter n'importe quoi dans ta religion sur les compagnons du prophète alayhi salam. وقال رافع بن خديج مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب. Le jour de la mort d'Abd Allah ibn Abbas رضي الله عنهما, ابن خديج a dit aujourd'hui est mort celui dont on a besoin à l'est et à l'ouest de la terre. À l'est et à l'ouest de la terre. J'ai besoin de lui pour le verdict, pour les éclairer dans leur religion, pour leur donner des solutions à leurs ambiguïtés, etc. وقال مسروق كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس مسروق رضي الله عنه dit quand je voyais ابن عباس dit le plus beau des hommes le plus beau des gens et quand il parle le plus éloquent parmi les gens quand il fait un discours le plus savant des gens ainsi il parlait de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه que ce soit les compagnons ou ceux qui les suivent à la perfection. أما مواقفه الآن فكثيرة فعليك أن تنتبه أخ الإسلام. Maintenant ses positions sont nombreuses. Maintenant il faut que tu ouvres tes oreilles et tu prends l'exemple. Tu essayes de l'imiter. موقفه الأول في حرصه على طلب العلم واحترام العلماء. Sa première position dans sa demande de la science et dans son respect aux hommes de science. Hein? Comment? Regarde le modèle. Hein? Regarde le modèle, comment le temps qu'il donne à l'apprentissage de la science, et la souffrance qu'il a, hein? Et tout ce qu'il subit pour l'apprentissage. Et compare-toi. Regarde quel temps tu lui donnes à cette science. Yaqul ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lamma tufiya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال أي الأنصار وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي في وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفر الريح على وجه الثراب، أي تذروه وتحمله، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث، فأسأله عن الحديث. قال أي ابن عباس. فبقي الرجل أي الأنصار حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل مني. أخرجه الدارمي والإمام أحمد. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري رحمة الله عليه. Regarde la première position. Et regarde, nous, pour un match de football, qu'est-ce qu'on fait, combien de kilomètres on fait. Et pour un cours qui est encore moins loin que le match de football, où est-ce qu'on est. Ibn Abbas de nous dire, quand le prophète est mort, j'ai dit, un des alliés de Médine, viens avec moi poser des questions aux compagnons du prophète, parce qu'aujourd'hui, ils sont encore nombreux. L'Ansari lui a dit, s'étonne de la situation d'Abdullah ibn Abbas. Il dit, quand est-ce que les gens ils vont avoir besoin de toi? Alors que les compagnons du prophète sont nombreux. Et il a laissé. L'Ansari a laissé, n'a pas demandé. Et lui, Abdullah ibn Abbas, s'est acharné à apprendre et à aller voir les compagnons du prophète, à leur demander des hadiths. Et il dit, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, il m'arrive qu'un homme a le hadith et je vais au moment de la sieste. Et regardez le respect de quelqu'un chez qui il va prendre. Au moment de la sieste, il ne le dérange pas. Et la sieste, il fait chaud. Donc l'homme, il dort. Lui, il vient jusqu'au devant la porte. Il prend son rida, il le plie en deux, il le met sous sa tête. Il s'allonge devant la porte en attendant. Quand il fait chaud, il y a le vent qui arrive, il y a la poussière, il y a les grains de sable, il y a les brindilles de bois, etc. qui arrivent, qui passent sur Abdullah ibn Abbas. Et avec ça, il ne profitait pas d'être le neveu du prophète, alayhi salatu wasalam. Il ne profitait pas de cette situation pour prophète chez l'homme. Et l'homme, quand il sort, hein, il trouve Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que tu fais là, ô neveu du prophète, alayhi salatu wasalam? Tu aurais dû envoyer quelqu'un me chercher, serait venu à toi. Et Abdullah ibn Abbas lui dit, non, non, c'est moi qui dois venir pour toi. Je suis venu te demander un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam. Et il prend le hadith et après il part. Ainsi il était. Hein? Regarde-nous maintenant. La source est à côté de la maison. On n'y va pas. Hein? Mais pour un match de football, on répète parce que ça, c'est un signe qui est chaotique à travers l'Europe. 70 km, 80 km, on les fait. Il y a 20-30 km. Il y a un cours d'un frère sur Tawhid ou là sur Sunna, on n'y va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où est le hic? Pour un ballon plein d'air, on y va. Et pour qu'Allah, qu'un Rasoul, hein? Subhanallah. Pour un ballon plein d'air, on y va. Et pour apprendre l'arabe, walou. Alors que le frère, il n'y a pas de problème. Telle heure, na walou, rien. Alors qu'on a besoin de cet arabe. Hein? Mais on va le regretter. Mais à un moment où ce sera difficile. Le regret ne servira plus à rien. Ce sera trop tard. Et ce compagnon, cet allié de Médine, dit, quand il a vu que beaucoup de monde sont réunis autour d'Abdullah ibn Abbas, il a dit, ce fata, ce jeune, était plus doué que moi, de raison. Il avait plus de raison que moi. Hein? Wa Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, katib al-wahi. ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائد يهم بركوب دابته فيقف ابن عباس رضي الله عنهما بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته فقال له زيد دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد أرني يدك، فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبل وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت le scribe de la révélation, il a tête des gens de Médine dans le qada, dans le jugement et dans la jurisprudence et dans la lecture et dans la science de l'héritage. Ah, pour se lève pour monter sa monture et tout d'un coup Abdullah ibn Abbas tenant les rênes de la monture et restant debout comme un serviteur reste debout devant son maître. Zayd ibn Thabit lui dit lâche ibn Abbas, lâche l'oncle du prophète alayhi salam, lâche la bête, lâche. Ibn Abbas lui dit non, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de faire avec nos savants. Gardez le respect. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lui dit donne-moi ta main, fais voir ta main. Et quand il a vu la main d'Abdullah ibn Abbas, il l'a embrassé. Il lui a dit ainsi il nous a été ordonné de faire aux gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un modèle. Un modèle très important pour nous. Tu veux la science, tu veux ne pas avoir d'ambiguïté dans ta religion. Il faut que tu t'acharnes à apprendre. Regarde, Abdullah ibn Abbas, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait deux, les compagnons ont été nombreux. Regarde ce qu'il fait pour aller à la recherche de cette science. Il prend l'autre modèle de l'autre compagnon qui fait un voyage d'un mois pour arriver à Cham, au nord de l'Arabie, pour arriver là-bas au nord de l'Arabie à Cham, pour un hadith. Il demande le hadith, il fait demi-tour, il refait un mois. Hein? Les éloges, ils les ont reçus pour rien. Là, il y a l'islam. Les éloges, ils les ont reçus parce qu'ils les méritent. Parce qu'ils étaient dignes des éloges d'Allah Azza wa Jalla et de son messager, alayhi salam. Et rien ne vient du vide. Il faut qu'il y ait des efforts. Rien ne vient comme ça. Tu ne peux pas rester allongé. Ouais. Ah, le café, le snack, le batati batata, 7 retours d'une pizza, et un vin, et tu veux la science. Andak, taqillah. Hein? C'est pas possible. C'est impossible. Regarde le temps. Combien de temps on perd dans Walou? Walou, le vent. Regarde combien de temps tu mets pour l'apprentissage. Et moi, je demande juste l'apprentissage de la langue arabe. Yal. Déjà pour commencer, combien de temps on lui donne? Et chacun de nous, il regarde. Depuis quand je dis que je suis salafi? Certains, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu lui poses la question. Je n'ai pas encore terminé le premier tome. Et l'année d'après, tu lui poses la question. Ouais, j'ai fait le premier tome jusqu'à la moitié, j'ai arrêté, c'est difficile, il faut que je recommence. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rigoles de qui? Tu rigoles de toi. C'est toi qui es le perdant. C'est toi qui vas rester accroché aux traductions. C'est toi qui vas être tout le temps perturbé. Hein? C'est toi. L'arabe est un outil essentiel et nous devons le faire. Regarde l'exemple. Notre frère Nathan. Il est aveugle à l'islam. Ça fait un an qu'il est converti. Il parle très bien la langue littéraire. Ça fait qu'un an qu'il est converti. Andak à l'islam. Et parmi nous, il y a qui ont 5 ans d'yel salafia, 6 ans d'yel salafia, et ils n'ont pas encore l'arabe. Où est le hic? Où est le problème? Le problème est dans l'arabe. Là, wallahi, ce n'est pas dans l'arabe. C'est en nous. Le problème, il est en nous. Il faut se réveiller. Il ne faut plus perdre de temps. Il ne faut pas se mentir à soi. Il ne faut pas se voiler la face. فهذا موقفه الثاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو مناقشته بالحكمة للخوارج واثرها الطيب في رجوع أكثرهم إلى الحق وهذه قاسمة ظهر القطبية والتكفيرية والتجيرية وانت وإلى ما وإلى غير ذلك من فرق الضلال. C'est maintenant sa deuxième position, une des grandes positions de ce grand imam, c'est son débat avec le khawarij, avec science, avec sagesse, et son impact, son bon impact sur la majorité d'entre eux qui sont revenus à la vérité. Et ce débat-là, c'est le bâton qui casse le dos aux khawarij du monde moderne, que ce soit le Qutbiya, ou le Sururiya, ou kada, ou kada. Ils n'aiment pas ce passage parce qu'il leur casse le dos. Parce qu'il leur montre la nullité et la divergence dans laquelle ils sont avec la voix du puiseur d'Allah alayhi. C'est pour ça. C'est pour ça que celui-là de Boulogne-sur-Mer, là-bas, sur l'Atlantique, a dit que Abdullah ibn Abbas est un petit. A'oudou billah, il t'a dit qui ? C'est un médecin, hein ? Fitoutit, je ne sais pas, fitoutititi, betati, fitouti, rapiti, ou l'âge d'akshi, mais il ne maîtrise pas l'arabe. Il est d'origine arabe. Il a sa langue sur quoi ? Et l'une des grandes catastrophes, c'est qu'à un moment donné, il a essayé de propager des trucs de Aïd al-Qarni, de Salman traduits en français. Et quand il va en Arabie Saoudite, sa compagnie, c'est qui que ceux-là. Et ceux qui sont dans la compagnie de ceux-là. Et quand il parle du Cheikh Abdul Malik Ramadani, Cheikh Rabi', a'oudou billah, ce qui sort de sa bouche. فبعد قضية التحكيم التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة فذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وردها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم في ضلالة. Après le jugement qui a eu entre Ali ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه ومعاوية, après la situation du jugement qui a eu entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, certains khawarij se sont accrochés à des ambiguïtés nulles. Ibn Abdullah ibn Abbas, il est allé les voir. Il a réfuté leur nullité, leurs ambiguïtés. Et certains, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour eux, ils sont revenus. Et d'autres sont restés dans leur égarement. هذا ابن عباس يخبرنا عن هذا الموقف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرجت الحرورية وهم الخوارج اعتزلوا في دارهم وكانوا 6,000, فقلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أبرز بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم, قال إني أخاف عليك, قلت كلا, فقمت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون, فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك. الله المستعان. ابن عباس nous annonce ce qui s'est passé entre lui et le Khawarij. Il dit, رضي الله عنه, quand les Harouriyas sont sortis, c'est l'un des termes des Khawarij. Ils sont allés se réfugier dans une maison à eux, dans un coin à eux, ils étaient 6,000. J'ai dit à Ali radiallahu ta'ala anhu, retarde, dors jusqu'à ce que le temps soit un peu plus frais. Je vais aller les voir et leur parler. J'allais voir le Khawarij et leur parler. Regarde, Abdullah ibn Abbas, à qui il s'est adressé? À l'émir. Il n'a rien fait sans l'ordre du khalif. Il est allé le voir, il a dit, regardez le respect. Dans chaque pas, dans chaque parole, donc chaque geste, tu as une leçon à retenir de ses compagnons du prophète. Il a demandé l'autorisation à l'émir et au khalifa des croyants. Il lui a dit, je vais retarder la prière d'Al-Dor jusqu'à ce que le temps soit un peu plus frais. Je vais aller voir le Khawarij. Je vais leur parler. Ali radiallahu ta'ala nous lui a dit, j'ai peur pour toi. Et il a dit, je me suis levé, je suis allé les voir. Ils étaient en train de faire la sieste. Ils étaient allongés. Il a dit, je les ai salués, salam alaykoum. Ils lui ont pas répondu, salam ya akhal islam. Tu sais pourquoi? Salam alaykoum, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Bienvenue à toi, Ibn Abbas. Qu'est-ce qui t'a ramené? Il lui a pas répondu salam, il est obligatoire de répondre. Quand il répond salam à quelqu'un, ça veut dire que tu l'as rendu mécréant. Comme il a fait avec le Belge là sur le site d'Yal Ansar Tawhid, qui a dit à l'un de nos frères ici, hein, Salamu ala man ittaba al huda. Qu'est-ce que ça veut dire, Salamu ala man ittaba? Ce terme, quand quelqu'un te le dit, chasse qu'il porte les idées d'Yal Khawarij. Regarde, les aïeuls, chacun il hérite d'un peuple. Abdullah ibn Abbas, il leur dit Salam alaykoum, ils ne lui répondent pas. Bienvenue à toi, ibn Abbas. Qu'est-ce qui te ramène? Écoute maintenant. Isma ya akhal islam. Kullu kalimatin tasma'u la budda an taqifa ma'a. قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد ليبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه قالوا ثلاث قلت ما هن Regarde comment il attire l'attention. Je suis venu de chez les compagnons du prophète alayhi salam et de chez son gendre. Andak. Il attire leur attention. Qu'il vient de chez et de la part des compagnons du prophète alayhi salam et du gendre du prophète alayhi salam pour attirer leur attention. Il leur dit, c'est sur eux, que le Coran est descendu. Ils connaissent mieux l'interprétation du Coran. Et je vois qu'il n'y a aucun compagnon parmi vous. Tu sais ce que ça veut dire? Il est en train de dire, vous avez pris l'indépendance dans votre interprétation et dans la voie que vous avez choisie. Des gens dans lesquels il n'y a aucun compagnon. Quel bien il y a en eux? Il n'y a aucune personne parmi ceux qui ont, sur qui est descendu la révélation. Ils se sont réunis sur des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'ils ont haï quelque part. Ils n'ont pas pris la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, qui est la voie de d'Yal Muhajirun, d'Yal Ansar. Ils ont pris l'indépendance dans leur compréhension. Hein? Ils ont pris l'épée contre eux, les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Il nous dit, il n'y a aucun compagnon parmi vous. C'est-à-dire, vous avez pris l'indépendance. Vous êtes dans une voie qui n'amène pas vers le bien. Et je suis là pour vous annoncer ce qu'ils disent. Vous annoncez ce que disent les compagnons du prophète. Et que vous m'annoncez ce que vous dites. Qu'est-ce que... Et là on dit, hein, regarde. Qu'est-ce que vous reprochez aux compagnons du prophète et au fils de son oncle? Et Allah, qu'est-ce que vous leur reprochez? Les amis devant... Andakoum. Là, vous êtes en face des compagnons du prophète. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Et qu'est-ce que vous reprochez au fils de l'oncle du prophète? Mais ils ont l'audace. Les Khawarij ont topo qui ont lieu, sont imbus d'eux-mêmes. Hein? Ils ont dit trois choses. Ils leur demandent citez-les. Hein? Sans honte, sans rien. L'audace. On reproche aux compagnons du prophète trois choses. Qui êtes-vous pour le reprocher? Qalu imma ihdahunna fa innahu hakkama ar-rijala fi amri Allah wa qala Allah ta'ala inil hukmu illa lillah. Wa hadi kana yasma'uha Ali radiyallahu ta'ala minhum wa kana yaqulu fiha kalimatu haqqin urida biha batil. Ma sha'nu ar-rijali wal hukm? Fa qultu hadi wahida. قال وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا سلبهم وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم قلت هذه اثنتان فما الثالثة قالوا إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين أعوذ بالله قلت هل عندكم شيء غير هذا قالوا حسبنا هذا قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبي صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون قالوا نعم. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils ont dit, la première, c'est qu'il a pris comme juge dans une situation qui appartient à Allah, Azza wa Jalla, les hommes. Dans une situation qui appartient à Allah Azza wa Jal, dans un sujet qu'il faut prendre comme juge Allah, ou le livre d'Allah, ou l'authentique de la Sunna du Prophète, il a pris les hommes comme juge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jugement appartient à Allah seulement. Had la parole, quand ils étaient à Médine, Ali radiallahu ta'ala entendit de leur bouche cette parole. Et il disait ça, c'est une parole vraie avec laquelle on cherche du faux. C'est une parole vraie avec laquelle on cherche du faux. Et c'est ce qu'ils voulaient avec. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont à voir les gens dans le jugement? Les hommes n'ont rien à voir dans le jugement. Il leur a dit ça, c'est la première. Donnez la deuxième des trois. Il a dit, il a combattu. Mais il n'a pas pris de butin. Il n'a pas non plus pris les femmes et les enfants de ceux qu'il a combattus. S'ils étaient des mécréants, si ceux qu'il a combattus étaient des mécréants, il aurait dû prendre les femmes, les enfants et le butin. Et s'ils étaient des croyants, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de les combattre. Il leur a dit ça, c'est la deuxième. Ramenez votre troisième. Il a effacé son nom de prince des croyants, donc il est prince des mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu les compagnons mécréants qui étaient sous la tutelle de Ali radiallahu ta'ala. Non? Il leur a dit, est-ce que vous avez autre chose? Il leur a dit, ça suffit. Il n'y a que ça. Bon. Il leur dit, radiallahu ta'ala wa arda, si je vous cite la parole d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète Allah, ce qui va refuter ce que vous venez de dire, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez l'agréer? Ils ont dit oui. Qultu à Ibn Abbas radiallahu anhu, amma qawlukum hakkam al-rijal fi amri Allah, fa ana aqra'u alaykum fi kitab Allah an qad sayyara Allah hukmahu ila al-rijal fi thaman rub'i dirham. فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه أن يحكموا فيه في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوهما من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال قالوا بل هذا أفضل. Écoutez maintenant, pour sortir et dissiper cette ambiguïté, la première, dès qu'on vous dites qu'il a pris comme juge les hommes dans une situation qu'il appartient à Allah Azza wa Jal, je vais vous lire du livre d'Allah Azza wa Jal où Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que le jugement soit aux mains des hommes dont le prix d'un quart de dirham, c'est-à-dire le dixième d'un euro maintenant, au moins que le dixième d'un euro. D'accord? Et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prendre comme juge les hommes. Le verset il nous dit ceci. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas du gibier alors que vous êtes en sacrement, vous êtes en pèlerinage, ne tuez pas de gibier en étant dans votre sacrement. Et celui qui le fait parmi vous exprès, sa récompense c'est qu'il aille voir un homme de science pour décréter la sentence. Comment il doit expier? C'est à l'homme de science de décréter si il doit égorger un mouton ou là il doit égorger un bœuf, selon. Donc ce jugement, à qui il l'a donné Allah Azza wa Jal? À l'homme de science, oui ou non? Il leur dit, par Allah Azza wa Jal, est-ce que le jugement d'un homme dont le prix d'un lapin ou d'un lièvre, ou si tu veux d'une autruche, gars, ou là d'une gazelle si tu veux, autre chose parmi le gibier à sachet, est-ce que ça, le jugement des hommes est mieux, ou là dans le fait de juger entre le sang des humains, le fait de pallier et d'essayer de réconcilier les humains. Et il leur dit, vous savez qu'Allah Azza wa Jal, s'il le voulait, il aurait émis sa sentence pour ce gibier. Mais il a laissé cette sentence aux hommes. Hein? Qu'est-ce qui est le plus important? Le sang des humains ou le sang d'un gibier? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce jugement soit donné à un homme. Donc encore plus, et en priorité, il n'y a aucun mal que des hommes jugent dans la situation, dans ce qui concerne le sang des hommes et de toute une communauté. Hein? Et ils ont dit, ça c'est le mieux. Ils ont reconnu. وفي المرأة وزوجها قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فأنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة ويقول لهم أخرجت من هذه قالوا نعم Il leur cite un deuxième exemple dans le Coran. Entre la femme et son mari, quand ils ont un litige, une grande dispute. Il est dit dans le Coran, si vous avez peur hein, que ça devienne énorme, qu'il se sépare, etc., envoyez un juge de sa famille, un autre juge de la famille du garçon. D'un côté et de l'autre, un homme. Et s'ils veulent le bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'accomplir. Et il leur dit par Allah, est-ce que le fait de prendre comme juge les hommes pour épargner le fait que le sang de la communauté coule, et mieux, ou là le fait de réconcilier une femme avec son mari. Il est évident que celui qui est doué de raison, il voit très clairement que prendre comme juge des hommes pour épargner que le sang de d'une communauté ne coule, là il est clair et net. Et il leur demande, est-ce que ça y est, de celle-là je suis sorti? Ils lui ont dit oui. Ça veut dire qu'ils ont accepté la preuve qu'il leur a ramenée. قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يُسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَتَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أُمُّكُمْ فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج قلبوا منين تخرجوا Il leur dit, quand vous dites qu'il a combattu, qu'il n'a pas pris de femmes et d'enfants, qu'il n'a pas pris de butin, est-ce que vous allez prendre comme butin votre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha? Parce qu'elle était de l'autre côté. Est-ce que vous allez faire d'elle ce que vous faites des autres femmes, alors que c'est votre mère? Si vous dites, nous allons faire d'elle ce que nous faisons des autres femmes, vous avez mécru. Vous êtes dans une mécréance claire. Et si vous dites, ce n'est pas notre mère, vous avez mécru. Vous êtes en train de tourner entre deux mécréances, deux grands égarements clairs. Là, trouvez une issue. Trouvez une issue pour sortir de là, de cette impasse dans laquelle vous êtes. Il leur cite un verset du Coran que le prophète, il a lié des croyants, que même. Et que ces femmes, ce sont leurs mères. C'est la parole d'Allah. Vous êtes en train de tourner entre deux égarements. Trouvez une issue. Comment sortir? Il leur dit, قلت فخرجت من هذه قالوا نعم وما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأناتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك فاكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله أمح يا علي رسول الله اللهم إنك تعلم إني رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة خرجت من هذه قالوا نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم أي على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتلوا على ضلالتهم فقتلهم المهاجرون والأنصار نعم إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه وعبد الله بن عباس منهم ومن فحولهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Quand il leur a cité les versets en ce qui concerne les femmes, comme quoi il n'a pas pris de butin, etc., la discussion est sortie de celle-là, ils ont dit oui. Mais quand vous dites la troisième ambiguïté, quand vous dites qu'il a effacé son nom d'Imir, des croyants, qui maintenant, hein, je vais vous ramener quelque chose que vous allez agréer, que vous agréez. Je crois que vous avez entendu du pacte, parler du pacte de l'Hudaybiyah. Le pacte de la réconciliation entre eux, le prophète alayhi salam et les associateurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, le prophète alayhi salam écrit. Ça, c'est les points sur lesquels s'est mis d'accord le prophète Mohammed, le messager d'Allah. Et les associateurs ont dit non. Par Allah, si nous savions que tu étais messager d'Allah, par Allah, nous ne savons pas que tu es messager d'Allah. Et si nous savions que tu es messager d'Allah, Azzawajal, nous t'aurions suivi et obéi. Et lui dit, écris Muhammad ibn Abdillah. Il a effacé le messager d'Allah. Écris Muhammad ibn Abdillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ali, écris. Enlève le nom messager d'Allah et écris. Ça, ce sont les points sur lesquels se sont mis d'accord Muhammad ibn Abdillah. Il dit par Allah, le messager d'Allah Azza wa Jal est mieux que Ali. Et le prophète alayhi salam a effacé son nom et sa qualité de prophète, sa désignation de prophète sur le papier de la réconciliation avec les associateurs. Et ceci ne l'a pas sorti de la prophétie. Il ne lui a pas enlevé son message ni sa prophétie. Il leur dit, est-ce que je suis quitte de celle-là? Ils ont dit oui. Parmi eux, 2000 sont revenus à leur raison. Ça veut dire le tiers. Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien. Les deux autres tiers qui sont restés, ils ont combattu Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et les compagnons du prophète alayhi salam, ils ont combattu jusqu'au dernier homme parmi eux. Ils les ont exterminés. Et par Allah, les compagnons du prophète alayhi salam, ce sont des hommes. Et ce sont les vrais hommes de la communauté humaine. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner son messager alayhi salam. Et pour faire triompher la religion d'Allah azza wa jal. Hein? Et Abdullah ibn Abbas fait partie de ces grands. Hein? Vous voyez pourquoi les Khawarij, ils n'aiment pas Abdullah ibn Abbas. Ils n'aiment pas l'interprétation d'Abdullah ibn Abbas. Regardez ce débat. Et où est-ce qu'il les a amenés? Ils comptent. Les hommes de science ont été authentifiés. Hein? La parole d'Allah Azza wa Jal, l'interprétation d'Abdullah ibn Abbas de la parole d'Allah Azza wa Jal est celui qui ne juge pas avec les jugements d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les pervers, ce sont les mécréants, ce sont les injustes. Abdullah ibn Abbas a dit une mécréance sans qu'il en soit une, c'est-à-dire une mécréance qui ne sort pas de l'islam, et une perversité qui ne sort pas de l'islam, et une injustice qui ne sort pas de l'islam. Au moins, ils n'acceptent pas cette interprétation. Ce détail qu'a fait Abdullah ibn Abbas, qui a une grande mécréance qui sort de l'islam et une petite qui ne sort pas, au moins, ils ne la veulent pas. Parce qu'ils suivent leur passion. Parce qu'ils se sont déjà fait une idée. C'est pour ça, les deux conseils. Hein? Des hommes de science comme Cheikh Al-Utaymi, etc., qui dit « Istadil tum ma'taqid, wa la ta'taqid tum wa tastadil fatazil » Il est des règles, c'est les hommes de science, comme le répète Cheikh Al-Utaymi rahmatullah alayh. Cherche ta preuve avant de croire. Et ne crois pas avant d'avoir la preuve, parce que si tu agis ainsi, tu vas t'égarer. Et c'est ce qui est arrivé à Al-Khawarij. Istadil tumma ta'qid. Wa la ta'taqid tumma tastadil fatazil. Le halak. Le mawqif al-thalith. والأخير حرصه على التمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشرها بين الناس La troisième position d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, s'acharnait à propager et se cramponner à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et à la propager entre les gens. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه ورغم أنف القطبية والسرورية وغيرهم ممن يشتمون معاوية رضي الله تعالى عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت فذكره بالسنة فصدق رضي الله عن معاوية وعن أبي معاوية وعن أم معاوية رضوان الله عليهم ورغم أنف من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما faisait tawaf autour de la Kaaba avec Muawiya رضي الله تعالى عنه. Et qu'on déplaise à ceux qui l'insultent parmi les sororites, les qutbites et j'en passe. Et رضي الله عن أبي سفيان, le père de Muawiya, et Hind, sa mère, رضوان الله عليها. Et ainsi de suite, et qu'on déplaise à ceux qui ne les aiment pas, et ceux qui les invoquent avec le mal, c'est eux qui sont le mal. Haoulaï, ils ont vu le prophète alayhi salatu wasalam, et ils ont suivi la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont eu cette opportunité d'être les compagnons, même un laps de temps avec le prophète alayhi salatu wasalam. Muawiya, pendant ce tawaf, commençait à toucher tous les coins de la Kaaba. Abdullah ibn Abbas lui a dit, pourquoi tu touches tous les coins de la Kaaba? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Muawiya lui a dit, il n'y a rien qu'on doit délaisser de la Kaaba, de la maison d'Allah. Ibn Abbas lui a dit, l'exemple, vous l'avez au Muhammad alayhi salatu wa sallam, le meilleur des exemples, lui a cité un verset du Coran, le meilleur des exemples, c'est le messager d'Allah. Muawiya lui a dit, tu as des vrais, Ibn Abbas. Il est revenu. Radiallahu ta'ala anhu wa Allah. Tu as des vrais, Ibn Abbas. Qala Abdullah ibn Shaqiq, khatabana Ibn Abbas bil Basra, yawman ba'd al asr hatta gharubat al shams wa badat al nujum. Wa ja'ala al nas yaquluna al salat, qala faja'ahu rajulun min bani tamim, la yaftur wa la yanthani, al salat, faqala Ibn Abbas radiallahu anhuma, أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته رواه الإمام مسلم عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى يديك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى نما البصرة أنجور s'est levé, il leur a fait un discours de l'Asr jusqu'à ce que le soleil s'est couché, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel. Certains ont commencé à dire la prière, la prière. Il y a un homme de Bani Tamim, il est venu vers un... Abdullah ibn Abbas lui a dit la prière, la prière. Abdullah ibn Abbas lui a dit tu vas m'apprendre la sunna. Tu n'as pas de mère, tu vas m'apprendre la sunna. La ummalak. Et il lui a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wasalam réunir entre le dhuhr et l'asr, et entre le maghrib et l'isha. Qala Abdullah ibn Shaqiq a dit, ceci, j'ai trouvé quelque chose dans ma poitrine et dans mon esprit à cause de cette parole. Et j'étais voir Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, et je lui ai posé la question. Il a dit vrai. Et il a confirmé, Abu Huraira a confirmé ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala. Akhal Islam, as-sunnatu safinatu al-muttaqin, as-sunnatu safinatu al-najat, man rakibaha naja, qala sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin, min ba'di, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, fa haulai a'lamu hadhihi as-sunnah. Frère, on a Allah Azza wa Jal. La sunna, c'est l'arche de ceux qui préservent les droits d'Allah Azza wa Jal. La sunna, c'est l'arche pour être sauvé. Celui qui monte, qui pratique la sunna, il est sauvé. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé après moi. Et celui qui se détourne, il a dit aussi, celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas sur la même voie que moi. Donc, et les compagnons du prophète Alayhi Sallam sont les emblèmes de cette sunna. C'est eux qui nous ont transmis cette sunna. C'est eux qui nous ont transmis la signification de la sunna. C'est eux qui nous ont transmis comment il faut pratiquer cette sunna. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Il fait partie de la bénédiction de la science, c'est de la remettre à ceux, de la reconnaître, de la remonter à ceux qui l'ont disent. Donc pendant les droits que nous avons, les cours sur les droits, que ce soit les droits d'Al Sahaba ou les autres droits, et les cours sur les compagnons du prophète alayhi salatu salam, tout ça ce sont des khotab du lion du manbar de Jordanie, qui est Abu Islam, Hafidahullah Ta'ala, qui était l'un des élèves, qui était l'élève de Sheikh Nasr Dil Albani Rahmatullah Alayh, et c'est Sheikh Nasr Dil Albani Rahmatullah qui l'a appelé le lion du manbar. Le Mawrid Al-Adb Zulal, dans la source douce, dans la critique des groupes et des croyances, etc., et des actes, Sheikh Najmi, et certains commentaires, beaucoup de commentaires aussi, sont de Sheikh Abu Malik Al-Juhani, l'un des grands du'as d'Yal Salafiya, dans la ville de Yanbou', là-bas, sur la mer morte, je crois. La mer morte, la mer rouge. Rouge. Hein? Il wasaya, les conseils sur le menhej, dans le menhej et dans l'éducation, ceux-là sont de Sheikh Salih Sindi Hafidhahullah Ta'ala. Et ici, on s'arrête pour cette visite, Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ici, nous avons la vie, le livre d'Yel Sheikh Najmi. Nous allons le continuer au départ de Marrakech sur Paltok. Et au retour, Inch'Allah, on verra. Si nous l'avons terminé, on entamera directement le livre d'Yel Sheikh Rabi' sur la voie d'Yel Da'wa, Inch'Allah. Menhaj l'Anbiya fi Da'wa ila Allah. Fastaudi'akum Allah, alladhi la tadi'u wada'i'u. Wa subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakum Allahu khairan.